me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. À qui appartient le buste de Néfertiti? Qu'est-ce qui se joue entre l'Égypte, l'Allemagne, mais aussi la France entre 1912 et 1933? Comment les œuvres d'art, les objets culturels sont-ils arrivés en Europe? Demande l'historienne de l'art Bénédicte Savoie. Qui peut en être le propriétaire? Ces objets d'art appartiennent-ils au lieu de leur création ou au patrimoine européen qui les conserve? Comment s'identifie-t-on à ces objets et quel est le sentiment de perte quand ils sont déplacés? Bénédicte Savoie, titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle, au Collège de France, normalienne, agrégée d'allemand, titulaire d'un doctorat d'études germaniques sous la direction de Michel Espagne, vit et poursuit sa carrière en Allemagne, où elle est professeure à la Technische Universität de Berlin. Elle a contribué au commissariat général de plusieurs expositions en France et en Allemagne. Aujourd'hui, l'historienne nous entraîne du côté de Berlin dans le cadre de sa grande enquête sur le déplacement des œuvres d'art et l'histoire du patrimoine européen pour sa série intitulée « À qui appartient la beauté ? Arts et cultures du monde dans nos musées ». C'est le Berlin des avant-gardes et des riches mécènes qu'elle ressuscite, cette société endiablée qui fréquente les cabarets et qui voue une passion pour le tango et le buste de Néfertiti en 1913, date de l'arrivée de l'œuvre étonnante et fascinante pour les Berlinois par sa proximité avec les visages contemporains et son idéal de beauté. L'exposition du buste, c'est aussi l'histoire d'une grande émotion collective qui traverse toutes les classes, c'est l'histoire d'une révélation. Quant à son mari, Akhenaton, il ressemblerait à Rainer Maria Rilke, ou bien est-ce le poète allemand passionné par les antiquités égyptiennes qui lui ressemblerait? Du peuple aux élites, tous se passionnent pour cette représentation éternelle de la reine égyptienne, sortie de son long sommeil pluriséculaire avec d'autres têtes égyptiennes, tout aussi bouleversantes, à partir du site d'Amarna, par un archéologue berlinois et les enfants égyptiens qui portent les paniers de sable et que Bénédicte Savoie met en avant pour tenter de faire jaillir le point de vue, les sentiments, sinon la tristesse des dépossédés, sentiment toujours plus difficile à cerner. Les Français qui administrent les antiquités d'Égypte ont laissé partir le buste de Néfertiti à Berlin. Mais la guerre arrive et le terrible conflit se poursuit après l'armistice de 1918 sur le terrain scientifique. Que signifie alors la demande des Français de restituer à l'Égypte le beau portrait de la reine? Quelles sont les intentions politiques des uns et des autres? Comment les opinions en faveur d'un retour ou contre cette restitution se mobilise-t-elle? Et nous gagnons le Collège de France le 26 avril 2017 pour le cours de Bénédicte Savoie. À qui appartient la beauté? Aujourd'hui, du Caire à Berlin, le buste de Néfertiti. La reine Néfertiti vous est bien connue, et Néfertiti est la femme du pharaon Akhenaton. Akhenaton, c'est ce pharaon qu'on appelle aussi Echnaton, qui a décidé au XIVe siècle, avant Jésus-Christ, de rompre avec la religion de ses prédécesseurs, avec ses dieux multiples, de rompre avec la capitale de l'Égypte, de ses ancêtres, de rompre aussi avec l'art égyptien traditionnel pour créer un nouveau culte, le culte du soleil, et un nouvel art qu'on appelle l'art de la période ou de l'art de Amarna, du nom de la nouvelle capitale qu'avait créée ce pharaon à Tel El Amarna. Depuis 1912-1913, le buste de Néfertiti est présenté à Berlin. Il a été présenté en différents lieux de Berlin. Il est actuellement au Neues Museum sur l'île des musées, Neues Museum qui comprend le musée égyptien. Pour essayer de nous approcher de cet objet contesté, de cet objet qui représente d'abord un idéal de beauté, qui donc fait bien écho avec la question du cours, qui a été monté en épingle ou qui a été ou qui est un idéal de beauté d'un côté. Et pour nous approcher de cette question aussi en termes juridiques et en termes d'appartenance peut-être esthétique, je propose d'ouvrir trois tiroirs ou trois volets lors de cette leçon. Le premier s'intitule « Légal, illégal ». Il va s'agir de suivre la provenance, donc l'origine de cette œuvre depuis le moment où elle a été trouvée à Tel El Amarna en 1912 jusqu'au moment où elle est arrivée à Berlin. Le deuxième volet s'intitule « Fécondation esthétique », où il sera question de ce qui s'est passé entre elle et les Berlinois au moment de son arrivée, elle et les autres œuvres trouvées au moment de cette fouille de Tel El Amarna. Et le troisième volet s'intitule « Réclamation, restitution au pluriel », puisque, vous allez le voir, la demande de restitution de la reine Néfertiti par le Caire à Berlin est une affaire qui a presque un siècle déjà. Avant de commencer, je voudrais redire un mot, et je le redirai sans doute à chaque séance, et j'aime le dire et j'aime le répéter, sur la nécessité de transparence quant aux provenances de ces objets qui sont des objets contestés. Nécessité de transparence quant aux provenances, ça veut dire que je pense qu'il est très important pour chacun d'entre nous de savoir, quand nous sommes dans un musée, de savoir d'où viennent les œuvres qui y sont présentées, quand elles sont arrivées, comment elles sont arrivées, dans quelles conditions. Donc ce point zéro qui est un peu un basso continuo de ce cours. Provenance et transparence, peut-être que vous vous souvenez que notamment en 2007, Le Monde titrait « Le Caire et Berlin se disputent le buste de Néfertiti ». C'était une fois de plus le grand débat sur la question de « faut-il que Berlin rende cette œuvre majeure à l'Égypte ?». Une question qui a eu à ce moment-là, en 2007, puis en 2009, avec un titre du Point, pour Berlin, le buste de Néfertiti appartient à l'Allemagne, une question qui a eu un retentissement international. Donc je le disais, en 2007, en 2009, c'est une question qui revient très régulièrement sur le tapis des relations germano-égyptiennes et qui est en effet une question délicate. Du côté allemand, on considère, et vous voyez ici un timbre de la Deutsche Bundespost, donc de la Bundesrepublik, un timbre officiel qui représente donc une Néfertiti stylisée auquel est ajouté le titre Nofretete Berlin, donc vraiment, non seulement elle est allemande, elle est sur les timbres comme le serait pratiquement la Marianne en France, non seulement elle est sur les timbres de la Poste fédérale, mais en plus, il lui est lié le nom de Berlin, elle est vraiment un objet localement liée à l'histoire de Berlin et plus généralement donc à l'histoire de l'Allemagne. Ça, ce serait, disons, pour simplifier un peu les choses, la position générale de l'Allemagne. Mais aussi, et comme toujours dans ces débats, il y a d'autres voix, y compris en Allemagne. Et je vous montre ici la couverture d'un ouvrage paru à la fin des années 80, si je ne me trompe pas, qui s'appelle « Nofretete will nach Hause », « Néfertiti veut rentrer chez elle »,« Néfertiti veut rentrer à la maison ». De Gerd von Paczensky et Herbert Ganselmeier, comme vous voyez, des noms très allemands. Donc ça, c'est l'autre position dans l'opinion publique allemande, qui est une position aussi largement partagée, selon laquelle cet objet, cette icône de l'art égyptien n'a rien à faire à Berlin et qu'il faut la restituer. Voilà donc ici une question d'appartenance à propos d'un objet qui non seulement est réclamé, mais qui surplace en quelque sorte, et dans ce cas-là c'est en Europe, mais c'est à Berlin, mais c'est un bon exemple de ce qui peut se passer dans d'autres capitales culturelles européennes, donc une opinion divisée. Je disais tout à l'heure nécessité de transparence sur les provenances. Quand on lit des titres comme ça dans la presse, on est appelé pratiquement à avoir un avis tout de suite. Est-ce qu'il faut la rendre? Est-ce qu'il ne faut pas la rendre? Et c'est aussi comme ça que la presse souvent, pas seulement la presse d'ailleurs, les débats entre amis, etc., quand on en parle, même avec des étudiants, c'est souvent comme ça qu'est présentée la question. Or, si on se plonge dans l'histoire de la venue de ces objets, on peut acquérir un sentiment différent, ou en tout cas des éléments, des outils, pour au moins mieux manipuler la question. Le premier outil qu'on peut trouver, et alors vraiment tout simple, et à la portée de tous, malheureusement pas dans le musée et pas à côté du buste de Nefertiti tel qu'il est présenté actuellement, c'est par exemple, dans le cas présent, la page internet de la Deutsche Orientgesellschaft, c'est-à-dire de la société orientale allemande qui, au début du XXe siècle, a organisé la fouille de Amarna. Die Ausgrabung in Amarna, donc on nous parle ici tout simplement sur internet de la fouille à Amarna. Et quand on regarde ce texte, je ne vais pas vous infliger de la langue allemande, mais il suffit de le regarder rapidement pour repérer des noms français dans cette histoire. Vous voyez en haut Gaston Maspero, on nous dit qu'en 1925 déjà, Pierre Lacot, le successeur de Maspero, réclamait la restitution du buste qui était déjà à Berlin. Et tout de suite, sans vraiment bien comprendre, simplement sur Internet, quand on est un usager normal, on se dit « mais qu'est-ce qu'ont des Français à faire ?» Dans cette histoire, pourquoi Gaston Maspero, professeur au Collège de France, pourquoi Pierre Lacot, professeur au Collège de France, sont mêlés à ces affaires de Nefertiti? Et il se trouve qu'en effet, quand on continue de creuser la question, cette affaire qu'on croit germano-égyptienne nous amène, curieusement, évidemment pas curieusement, puisque c'est l'histoire et on va creuser ça dans un instant, nous amène à Paris. Nous amène à Paris, où sont conservés une somme de documents en allemand et en français considérables sur l'affaire Nefertiti. Et je vous montre ici le dossier principal donc, du ministère des Travaux publics, dans la hiérarchie duquel était placé le service des Antiquités d'Égypte, un service français, et le bureau des archives avec un dossier qui ne porte pas de numéro, et peut-être que vous le voyez même si le contraste n'est pas excellent, objet, tête, Nefertiti, et puis écrit à la main en dessous, au crayon, « double pour moi ». C'est ici le dossier de ce Pierre Lacot que j'évoquais à l'instant, le dossier administratif de Pierre Lacot, qui a été le premier, en 1925, on le verra, à réclamer pour l'Égypte la tête de Nefertiti. Double pour lui, très intéressant pour nous, puisque dans ce double, il y a non seulement tous les documents qui racontent la venue de Nefertiti à Berlin, puis ses premières demandes de restitution, mais aussi tous les commentaires que cette histoire a inspirés à cet acteur, à l'un de ces acteurs de l'affaire Nefertiti, Pierre Lacot. Donc un document très précieux dont l'opinion publique a très peu connaissance ou presque pas. Il est dans des archives et il faudrait que les musées aient le désir de mettre des documents d'archives autour de leurs œuvres d'art pour que ces choses fassent lien. Voilà. Qu'apprend-on quand on se plonge dans ce dossier « Tête Nefertiti, double pour moi » du service des Antiquités d'Égypte? D'abord, on apprend des éléments concrets sur la légalité ou l'illégalité de la présence de Nefertiti à Berlin. Comme vous le savez, beaucoup de légendes entourent cette présence. On a dit que l'archéologue qui l'avait trouvée l'avait maquillée avec de la bouillasse pour lui faire passer la douane en quelque sorte, et que donc personne n'y avait rien vu et qu'il l'avait ensuite démaquillée à Berlin et que c'est comme ça qu'elle était arrivée à Berlin. D'autres ont dit qu'il y avait eu des falsifications de photographies, etc. La question, moins on en sait, moins on a regardé dans les archives, plus des légendes se forment. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand on ouvre ces documents d'archives, on comprend exactement comment les choses se sont passées, et vous verrez qu'à la fin de ce petit chapitre, on aura au moins une réponse à la question légale, illégale, point d'interrogation. Si vous voulez bien, nous nous transportons maintenant à Tell el-Amarna, en Moyenne-Égypte, en décembre 1912. Vous voyez ici, je vais vous montrer une série de photographies prises par un amateur de haut rang, le prince Georges Johann Georg, Jean-Georges, duc de Saxe, qui était, comme souvent au début du XXe siècle, l'un des premiers propriétaires éminents d'un appareil photographique et qui a fait, lors de son voyage en Égypte, comme on le faisait beaucoup au début du XXe siècle, une très grande série de photographies, notamment à Tell el-Amarna pendant les fouilles, où il s'est trouvé, dit-on, par hasard, le jour de la découverte de Nefertiti. Le charme et l'intérêt historique de ces photographies, c'est que ce sont des photos qui sont des photos un peu, pour certaines, un peu ratées, un peu glissées, un peu mal centrées, et qui du coup nous en racontent peut-être plus que des photos posées. Sur celle-ci, vous voyez dans des fondations d'une maison des personnes manifestement égyptiennes, des hommes qui sont en train d'attendre ou de travailler dans le trou. Ce trou, c'est l'une des parcelles qui a été fouillée depuis, à l'époque on est en décembre 1912, mais qui a été fouillée déjà depuis quelques saisons par l'archéologue berlinois Ludwig Borchardt. Et en décembre 1912, il trouve dans ce site de Tell el-Amarna l'atelier d'un sculpteur. Et un atelier de sculpteur, ça a l'énorme avantage pour un archéologue ou pour quelqu'un qui s'intéresse à l'art d'une période, de ne pas permettre la découverte de documents écrits, mais d'objets d'art. Pour ce qui est de l'époque de Tell el-Amarna, jusqu'à l'époque, on avait des documents écrits sur cette période, on savait qui était Akhenaton, mais on ne savait pas encore du tout à quoi ressemblait l'art de Tell el-Amarna. Et là, en 1912, décembre 1912, Ludwig Borchardt trouve un atelier d'artiste, en quelque sorte, atelier d'artiste dans lequel il retrouve des bustes, des outils, des modèles, et aussi, vous allez le voir, la reine Néfertiti. Donc on voit ici un peu la situation dans le désert égyptien et la manière dont se fait la fouille. Alors ici, on voit des enfants et des adolescents qui sont tous alignés et qui portent devant eux des paniers. Ils sont en train, un instructeur ici, probablement leur explique ce qu'il y a à faire. Il tient un fouet dans la main ou quelque chose qui ressemble à un fouet, celui-ci aussi. Et ces enfants avec leurs paniers sont ceux qui transportent le sable déterré par ceux qui fouillent, qui ne sont pas non plus les archéologues européens. Vous allez voir que la position des archéologues européens est rarement dans le trou à genoux, mais plutôt debout dehors. Donc on voit ici, à leur costume européen, deux visiteurs qui faisaient partie du groupe du prince Georges de Saxe, dans la fouille même des ouvriers, d'autres qui regardent, un adolescent ou un enfant qui enlève le sable. On retrouve encore cette bipartition entre en haut et en bas, en quelque sorte, sur beaucoup d'autres photos, donc avec cette belle société de dames et d'hommes bien habillés, bien vêtus, en robe, avec dotés de chaises. Sur d'autres photos, on voit quelques chaises longues, ils ont des carnets, voilà. Et puis, le trou, et on comprend que dans le trou se trouvent non seulement les trésors, mais aussi les ouvriers qui sont en train de les dégager. Vous voyez ici Ludwig Borchardt, l'archéologue en chef, en quelque sorte, de cette mission, dans cette pause, évidemment, qui est de regarder ce qui se passe dans le trou, est-ce qu'on trouve quelque chose. Et puis, toujours derrière, ici, un enfant avec un panier, puis un autre adolescent, ici, qui porte le sable plus loin. Quand un objet est trouvé, à ce moment-là, ce sont en effet les archéologues européens qui le sortent et qui le présentent à la caméra. Donc, vous revoyez l'archéologue Ludwig Borchardt, ici, avec une des têtes trouvées dans cet atelier d'artiste, une tête typique de l'art d'Amarna, avec ses très grands arrière-crânes, et qui ressemble absolument pas à l'art égyptien tel qu'on imaginait encore qu'il était en 1912. C'est quelque chose de totalement étonnant pour le regard, pour l'histoire, pour les habitudes de regard d'Européens de trouver cela. Toujours derrière, les enfants avec leurs paniers qui attendent les instructions. Autre objet, tenu également par un Européen barbu, tandis que derrière, les enfants attendent. Arrive à un moment le buste de Akhenaton, que j'avais présenté ici sous forme de moulage et qui est dans mon bureau là-haut lors de la leçon inaugurale. Donc le buste d'Akhenaton, la tête d'Akhenaton, le mari de Néfertiti. Et puis enfin, est trouvée cette tête dont on ignore encore qu'il s'agit de Néfertiti, mais qui dans les papiers officiels de la fouille est intitulée « Tête d'une reine de toutes les couleurs », très colorée. Voilà pour la situation de la fouille en décembre 1912. Cette fouille a été financée par un très riche industriel du textile berlinois qui s'appelle James Simon, qui finance un très grand nombre de fouilles à cette époque-là au nom ou pour la Deutsche Orientgesellschaft que j'ai évoqué tout à l'heure. James Simon est un mécène juif qui fait partie de ces grands mécènes juifs de la fin du 19e, début du 20e siècle qui, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, ont non seulement financé des grandes campagnes de fouilles ou acquis pour leur propre collection des œuvres d'une importance considérable de l'art italien, par exemple, dans le cas de James Simon, des Botticelli, etc., pour les donner ensuite, dans un acte de patriotisme, dans leurs différentes capitales, pour les donner ensuite à leurs musées. Si vous venez à Berlin, vous verrez que dans tous les musées à l'entrée, on rend hommage à James Simon, qui est le plus grand donateur des musées de Berlin. C'est lui qui a financé la fouille de Néfertiti et de toute cette art d'Amarna. De l'autre côté, je vous présente ici un jeune archéologue français qui s'appelle Gustave Lefebvre, qui a alors 30 ans en 1912 et qui est sur place au Caire, chargé de procéder à Tell el-Amarna au partage de cette fouille, puisque en 1912, à cette époque-là, venait d'être instaurée la règle d'un partage des fouilles à moitié égale. C'est ce qu'on appelait le partage des fouilles à moitié égale, c'est-à-dire que quand on trouvait un certain nombre d'objets, il fallait en faire deux lots, et puis les objets les plus éminents, il fallait que dans chaque lot, il y ait un objet éminent. Et ce n'est pas alors le chef du service des antiquités d'Égypte, qui était le français Gaston Maspero, ce n'est pas lui qui se déplace à Tell el-Amarna, mais il envoie, en décembre, janvier 1913, il envoie ce jeune assistant, en quelque sorte, faire le partage des fouilles en toute confiance de la qualité du travail qu'il accomplira. Le résultat est noté dans ce petit extrait de document dont on verra la suite un peu plus tard dans le cours. Donc ça, c'est l'un des documents qu'on trouve dans le dossier Tête de Néfertiti que je vous ai montré au début. On voit écrit « Pour le musée du Caire, 1. Stèle peinte représentant Amenophis IV et la reine jouant avec les princesses, monument intact, hauteur 43 cm. » Donc ça, c'est ce qui va rester au Caire, ce que le service des antiquités d'Égypte, qui est un service géré par des Français à l'époque, cela va rester au Caire, c'est ce qu'il garde. Et de l'autre côté, pour le DOG, Deutsche Orientgesellschaft, c'est-à-dire pour James Simon en quelque sorte, un buste en plâtre peint d'une princesse de la famille royale, ça c'est Néfertiti. Donc on est en présence d'un partage de fouilles tout à fait équitable, en tout cas aux yeux du service des antiquités d'Égypte, du service français qui procède à ce partage. Comme vous le savez, à cette époque-là, en 1912, 1913, 1914, jusqu'en 1922, l'Égypte n'est pas un État autonome. On peut dire, pour simplifier, que tout ce qui est au-dessus du sol en Égypte appartient à la Grande-Bretagne, appartient à l'Angleterre, ce qui est au-dessus du sol, et ce qui est en dessous appartient à la France. La France a depuis, considère et a obtenu et maintient depuis le XIXe siècle, depuis l'expédition de Napoléon en Égypte, l'idée que c'est à elle de gérer les antiquités égyptiennes, et elle parvient au fil du XIXe siècle à s'établir comme l'instance, comme l'administration qui donne aussi les autorisations d'exportation d'œuvres d'art. Et il y a une grande rivalité entre les Anglais au-dessus du sol et les Français en dessous du sol, puisque, comme vous le savez, les Anglais, à ce moment-là, font des routes, fabriquent des barrages, inventent des systèmes d'irrigation, avec un danger, du point de vue des archéologues, un danger pour ce qui se passe sous le sol. C'est-à-dire que quand on irrigue, tout ce qui est en dessous et qui était bien au sec sous le sable peut éventuellement être mouillé. Et cette rivalité entre les Anglais et les Français fait que quelqu'un comme Gaston Maspero, le grand égyptologue Gaston Maspero, qui est depuis le dernier tiers du XIXe siècle le directeur du service des antiquités d'Égypte au Caire, le grand Maspero a une idée sur la manière dont il faut gérer non seulement les fouilles, mais aussi l'exportation des objets trouvés pendant son mandat. Il l'explique dans plusieurs textes, et je vous ai sorti des extraits caractéristiques de sa position pour qu'on comprenne bien pourquoi, si facilement, il a pu laisser partir Néfertiti à Berlin. Il explique, je le cite, « La réforme introduite depuis 20 ans dans le système de l'irrigation a rendu à la culture de vastes étendues de terrain qui étaient arides depuis des siècles. L'eau y a été versée en abondance, imprégnant les objets qui y étaient enfermés. » Si, poursuit-il, si dans le quart de siècle qui a commencé vers 1900, les sites antiques attaqués par l'industrie moderne n'ont pas été explorés à fond, je n'hésite pas à déclarer que leur contenu entier de papyrus, bronze, statues en pierre ou en métal, terre cuite, étoffe, ustensiles, armes, outils, amulettes, sera perdu pour la science. Et il conclut, comme ces objets se comptent par centaines, ce ne serait pas trop d'une levée en masse des érudits pour venir à bout d'eux dans un espace de temps aussi restreint. Nous avons donc sollicité la recherche et je suis heureux de constater que notre intention a été comprise. Pour résumer ce que dit Maspero ici, c'est les progrès de l'industrie en Égypte mettent en danger le patrimoine archéologique qui n'a pas encore été découvert. Si nous voulons sauver ce patrimoine archéologique pour la science, dit-il, il faut faire vite. On a, dit-il, lui, un quart de siècle. Et pour faire vite, puisque ces fouilles sont extrêmement coûteuses, extrêmement compliquées, extrêmement aléatoires, il faut une levée en masse internationale, il faut attirer des archéologues du monde entier et les investisseurs qui vont avec pour que tout ça se fasse très vite. Et sa conclusion, que que je résume avec mes mots, sa conclusion, c'est « si nous voulons que des savants du monde entier viennent faire des fouilles, il faut être très généreux avec eux au moment de leur donner l'autorisation de prendre avec eux les objets trouvés. » C'est-à-dire que Maspero, ce qui prévaut pour lui, ce qui est important pour lui, c'est que les objets soient sauvés, et après il les donne volontiers à l'Allemagne, aux États-Unis, etc., aux fouilleurs. Il ajoute, et ça c'est une question qui est vraiment importante pour nous parce qu'elle montre l'état d'esprit de cette époque, alors que Maspero est quelqu'un qui était très apprécié dans le milieu international et dans le milieu égyptien, il ajoute, il a été résolu en principe qu'aucune concession ne serait accordée au non-égyptologue, ce qui est logique dans son optique scientifique, et en général à quiconque ne viendrait pas au nom d'une université, d'une académie ou d'un gouvernement étranger. Deux points, les Égyptiens étaient ainsi exclus du coup. Évidemment, à ce moment-là, il n'y a pas d'académie, pas d'université et même pas de gouvernement égyptien en Égypte. Donc, en quelque sorte, son système, qui est un système pour la science, par une sorte de dissymétrie de l'avancée scientifique du pays fouillé, exclut ceux qui sont sur place et qui auraient aussi pu participer au partage des fouilles. Le résultat, je vous donne simplement quatre tout petits exemples, c'est que pendant le mandat, le long mandat de Gaston Maspero au Caire, des groupes d'œuvres très importants sont exportés dans le monde entier sans réelle sans aucune difficulté en quelque sorte. Et Maspero lui-même n'est pas du tout, ne pratique pas le partage des fouilles. C'est une invention qui arrive en 1912 au moment de Nefertiti, mais lui laisse. Il trouve au contraire que partager des fouilles, c'est détruire une unité et qu'il vaut mieux que les unités aillent ensemble à leur destination. Donc, je vous donne quelques exemples ici. La statue, le statut du roi Micérinus et de sa femme ou de sa fille ou de son épouse, qui est une très grande pièce de grand format, est envoyée en 1911 à Boston. La tombe intacte de l'architecte K, qu'on appelle aussi TT8, une tombe trouvée à Thèbes, est donnée en entier, intacte telle qu'elle est, sans partage de fouilles, au musée de Turin. Vous pouvez la voir encore. Autre exemple, cette grande statue d'1,50 m du vizir Emiounou, découverte en 1912 et accordée aussi au musée de Hildesheim, donc vous pouvez la voir toujours en Allemagne, et Nefertiti, à la même époque, va à Berlin, tout ça sans aucune difficulté légale. Nous avons la réponse à la question, légale ou illégale, Nefertiti a quitté légalement et en toute connaissance de cause, grâce à l'accord de Gustave Lefebvre, qui était mandaté par le service des Antiquités d'Égypte, a quitté très légalement Tell el-Amarna en janvier 1913 pour rejoindre Berlin. Les papiers sont là, on en est absolument certain. Donc il y a aussi une évidence, évidemment, Nefertiti et l'art d'Amarna appartient à ce sol, à ce lieu, à cette capitale égyptienne en Moyenne-Égypte d'Amarna. C'est son lieu d'appartenance géographique, en quelque sorte, et géologique et historique. Maintenant, l'autre question qui fonctionne avec celle-là, c'est que se passe-t-il avec Nefertiti et les autres sculptures d'art Amarna quand elles arrivent à Berlin au début de l'année 1913 ? Il faut poser cette question pour savoir après si on peut dire « Ah oui, maintenant elle appartient vraiment à Berlin puisqu'il s'est passé des choses importantes ». Et France Culture vous présente l'historienne de l'art Bénédicte Savoie. Aujourd'hui, à qui appartient la beauté, le buste de Nefertiti à Berlin ? Alors Berlin, au début de l'année 1913, ou juste avant la Première Guerre mondiale, c'est la capitale non seulement du tango, mais des travestis, des drogues, des avant-gardes, enfin une ville très chaude, j'allais presque dire, beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui d'ailleurs. Mais il ne s'agit pas de faire un concours. Arrivent ces têtes trouvées quelques mois plus tôt dans le sable, donc qui depuis 14 siècles était resté dans le sable et qui arrive directement sans être passé entre les mains d'une académie, d'une université, mais simplement, elles ont simplement été emballées dans des caisses à Tell el-Amarna et elles arrivent directement au centre de ce Berlin totalement surexcité au début de l'année, à la fin de l'année, pardon, 1913 à la, pendant l'hiver 1913-1914. Vous voyez ici trois œuvres. Au milieu, c'est le visage de Toutankhamon, le fils présumé de Néfertiti et d'Amenophis. Deux masques anonymes trouvés aussi dans l'atelier du sculpteur. Ces têtes produisent, elles sont exposées dans le Neues Museum que j'ai évoqué tout à l'heure, où se trouve aujourd'hui encore Néfertiti, mais bien sûr, entre-temps, ce musée a été détruit. Et dans ce musée se trouvait le département égyptien des musées de Berlin, et c'est ici que vont être exposées donc ces têtes qui sont passées directement du sable à l'Ashpré, à l'île des musées. À ce moment-là, pas loin du tout de l'île des musées, a lieu la grande exposition, le Deutsche Herbstsalon, le premier salon d'automne de la galerie Der Sturm. Donc le Der Sturm, c'est l'orage. Et vous voyez que le programme de cette galerie, c'est les expressionnistes, les cubistes, les futuristes, une exposition très internationale, Allemagne, Amérique, Bohème, France, etc. Une exposition qui prétend d'elle-même qu'elle est la plus puissante exposition de l'automne 1913 à Berlin. Tout ça 13-14. Tout ça pour vous dire qu'à ce moment-là, les Berlinois sont occupés aussi par ces avant-gardes. Le futuriste Tommaso Marinetti est à Berlin à cet hiver-là, au moment où a lieu l'exposition des œuvres d'Abarna. Marinetti est à Berlin pour l'ouverture de l'exposition Der Sturm. C'est aussi le moment où Marcel Duchamp invente les ready-made avec sa roue de bibliothèque que vous voyez tout à fait à gauche. C'est aussi exactement dans ces semaines-là, la fin de l'année 1913, le moment où Malevitch à Saint-Pétersbourg invente ou commence à expérimenter avec son idée du carré. Ici, dont vous voyez une des premières esquisses pour l'opéra cubo-futuriste La victoire sur le soleil, pour laquelle Malevitch avait fait les décors. Voilà l'atmosphère et la période dans laquelle on est, et il se trouve que cette exposition d'Amarna va électriser les avant-gardes berlinoises. On a des sommes considérables d'articles de journaux, y compris d'articles illustrés, qui montrent ces têtes, qui sont considérées dans leur réalisme radical par le fait que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, comme des, j'allais presque dire, des ovnis de l'histoire de l'archéologie, et surtout quelque chose qui ressemble tellement, par son réalisme, qui ressemble tellement à des gens d'aujourd'hui, que la population berlinoise se trouve comme spontanément attirée par ces têtes et a l'impression, vous allez le voir, j'y reviendrai tout à l'heure, a l'impression de se voir pratiquement en miroir, et l'impression historiquement saisissante qu'il n'y a pas 14 siècles qui séparent l'art d'Amarna de 1914, mais juste rien. Que l'histoire est écrasée. Ça, c'est une émotion esthétique extrêmement forte dont rendent compte tous les journaux. Je vous traduis juste les quelques premières lignes d'un article paru le 20 décembre 1913 dans la Fossische Zeitung. La Fossische Zeitung, c'est le journal quotidien de Berlin. Vous voyez sous le titre Kunstausstellung, donc exposition d'art, l'exposition au musée égyptien où sont montrées les nouvelles trouvailles de Tell el-Amarna est un énorme succès de la saison, Saison Erfolg, un succès de la saison. On parle presque plus, man spricht fast so viel, on parle presque autant de sculptures égyptiennes anciennes comme du tango. Vous voyez à la quatrième ligne, man spricht fast so viel von alter ägyptischer Skulptur wie vom Tango. Donc le tango, cette expo est vraiment au même niveau que le tango qui vient d'arriver justement d'Amérique. Et Amenophis 4 ist geradezu populär. Vous voyez le mot populaire, et Amenophis 4, Echnaton, Akhenaton, est vraiment devenu populaire. Donc il y a une réelle popularité de cet art qui fascine non seulement les élites qui vont visiter ce musée, mais aussi, par exemple, le mouvement ouvrier. Je vous montre ici un tout petit extrait, mais on pourra en montrer pendant des heures et des heures. Tout petit extrait des cahiers socialistes donc, qui font partie de la mouvance communiste ouvrière de l'année 1900, des années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Un article de Lisbeth Stern, c'était la sœur de la femme sculpteur Käthe Kollwitz, qui fait aussi donc, dans ses Sozialistische Monatshefte tout un article sur Ägyptische Funde, sur les trouvailles égyptiennes. Elle raconte qu'on a trouvé à Tell el-Amarna des statues et elle explique tout à la fin « Nun ist ja wohl möglich, dass die Gipsabgüsse von Proletariern abgenommen sind. » En gros, elle dit « Ces têtes nous ressemblent tellement qu'on dirait des gens dans la rue. Allez-y. Enfin, tous les ouvriers peuvent comprendre ça. On n'a pas besoin d'être cultivé pour comprendre une expo comme ça. Il suffit d'y aller pour être saisi. Et puis elle finit en disant, oui, et sans doute que la raison pour laquelle on est saisi, c'est que ceux qui sont représentés sont des prolétaires. Vous voyez bien ici comment, en fait, le combat politique des années 1913-1914 est projeté sur cet art égyptien qui a alors 14 siècles et est pris en quelque sorte, adapté, transformé pour les besoins de la cause du mouvement ouvrier, de l'internationale ouvrière. Et c'est très intéressant de voir cette identification extrêmement forte des Berlinois avant la Première Guerre mondiale, juste avant la Première Guerre mondiale, avec cet art, cet ensemble qui vient d'arriver. Dernier exemple pour vous montrer à quel point le choc a été grand. Je vous montre ici à droite un critique d'art, l'un des plus importants critiques d'art du début du XXe siècle en Allemagne, qui s'appelle Adolf Behne, qui a été le premier à faire de la publicité à des groupes comme Die Brücke, donc les groupes expressionnistes, qui a lancé beaucoup d'avant-garde et qui, dans cet article ici, dans les Dresdner Neueste Nachrichten, dans un journal quotidien qui paraît à Dresde, écrit tout un article intitulé « Toutmès ». Toutmès, c'est le nom du sculpteur dont on a trouvé l'atelier à Tell el-Amarna. Et les premières lignes de l'article expliquent « Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un artiste contemporain vivant, mais le plus grand des artistes qui ait jamais existé. Et il est plus contemporain que nous tous, il est plus fort que les futuristes, il est plus fort que les expressionnistes, et il s'appelle Toutmosis ou Toutmès, et il a vécu il y a 14 siècles. » Voilà comment, ici, les avant-gardes se prennent de passion, et pas seulement les avant-gardes, donc le peuple, la population, pour cet artiste et cet art. Quand on met en face des sculptures, des futuristes, par exemple, comme Boccioni, qui était présenté avec cette sculpture en spirale à l'exposition de Berlin, et par exemple un des bustes d'Akhenaton, d'Amenophis, retrouvé ou exposé à Berlin au même moment, on comprend aussi pourquoi il y a eu une sorte d'attirance esthétique très forte entre ces mouvements d'avant-garde et cet art ancien. Le plus bel exemple nous vient de Rainer Maria Rilke. Comme vous savez, Rainer Maria Rilke écrivait beaucoup, il écrivait plusieurs lettres par jour, il avait beaucoup d'amis dans l'aristocratie européenne, et donc il écrit à toutes ses copines à ce moment-là. J'ai vu une exposition incroyable, on est en février 14, il faut absolument que vous alliez la voir. Donc dans toutes ses lettres, il est question de cette exposition. Lui-même compose des poèmes à propos de cette exposition, et puis il écrit à Lou Andrea Salomé, l'une de ses plus grandes amies, comme vous le savez, qu'il faut absolument qu'elle aille voir l'exposition. Et puis elle y va avec des amis, elle finit par lui répondre, oh là là, elle lui écrit sur une petite carte, « J'y suis allée avec une amie et on a été fascinés, mais est-ce que tu as remarqué que tu ressembles toi-même à Akhenaton ?» Et en effet, si on met l'un face à l'autre, on voit combien, on comprend comment cette identification a pu se produire. Elle se décline sous d'autres formes encore, sous forme d'opéra, elle se décline dans les romans de Thomas Mann. On s'arrête là, je pense que j'en ai dit assez pour que vous compreniez ce qui s'est passé dans le milieu berlinois en 1914, pour qu'aujourd'hui encore, un siècle après, les Berlinois, qui évidemment n'ont aucun souvenir de tout ça, enfin cette exposition est totalement oubliée, mais quand même, ils ont le sentiment dans leur ADN, en quelque sorte, que Amarna, cet art, est en eux, ou même mieux, qu'ils sont eux-mêmes Amarna. En tout cas, c'est ce qu'a pensé et dit cette génération. Troisième volet, réclamation-restitution. Donc on vient de voir comment les œuvres avaient été extraites de leur contexte d'origine, avec l'aide de qui, et comment elles étaient arrivées en Europe, à Berlin. On a vu ensuite ce qui s'était produit au moment de leur arrivée à Berlin. Ce qu'on n'a pas vu et qui est difficile à montrer et qui est difficile à voir et à sentir, c'est ce qui se passe sur place, là où elles ne sont plus, ces œuvres. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de reconstituer, par exemple, un sentiment de perte de la part des villageois ou de ceux qui ont travaillé là, ou des intellectuels égyptiens. C'est beaucoup plus difficile, mais ça existe très probablement. Il faut travailler beaucoup pour retrouver ces sources-là, qui sont souvent des sources plus difficiles à saisir. Ce qu'on sait, en revanche, et on revient donc sur notre histoire ici européenne, c'est ce qui s'est passé quelques années, simplement, après la présentation donc, de cette exposition à Berlin. Nous retournons donc pour un instant au Caire. Nous sommes en 1914, pendant que l'exposition a lieu à Berlin. Gaston Maspero, qui est devenu un vieux monsieur en 1914, décide au début de l'année 14 de rentrer à Paris, de retourner vivre à Paris, et choisit comme successeur cet homme barbu, qui est Pierre Lacot, dont on a entendu parler tout à l'heure, au début, et qui, à partir de 1938, sera lui aussi professeur au Collège de France. À l'époque, c'est un tout jeune homme. On est donc au printemps, au début de l'été, tout au début de l'été ou à la fin du printemps 1914. Évidemment, cette date marque une rupture dans l'histoire mondiale avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'ordre de mobilisation générale qui touche aussi Pierre Lacot. Comme vous le savez, cela se passe à la fin de l'été, en été. La mobilisation générale, et l'été est une période où les égyptologues en général, quand ils vivent au Caire, ou enfin les archéologues en général, sont pour la saison chaude en général dans leur capitale, donc ils passent ses vacances en France. Ce Pierre Lacot, il ne prend pas ses fonctions officiellement en Égypte, au Caire, mais il est appelé à servir. Il est à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine, c'est-à-dire qu'il n'est pas en première ligne, il est en deuxième ligne. Il fait partie des unités qui s'occupent, par exemple, de ramasser les cadavres ou de déblayer le terrain après des batailles. Il est nommé à côté de Verdun et il est donc pendant plusieurs mois, pendant deux ans pratiquement, du côté de Verdun. Au milieu de l'année 1915, il faudrait que je vérifie en détail. Et comme cet homme est un archéologue éminent, un égyptologue éminent, qu'il a été ensuite professeur au Collège de France, comme je l'ai déjà dit, ses papiers, sa correspondance est très bien conservée aujourd'hui à la bibliothèque de l'Institut de France. Si vous voulez aller savoir ce qui lui passait par la tête pendant qu'il était dans les tranchées à Verdun, c'est très facile, il suffit de consulter les dossiers là-bas. Je vous montre quelques extraits de lettres qu'il a reçues lui. Bien sûr, dans la correspondance, en général, on trouve plus facilement les lettres que les personnes ont reçues plutôt que celles qu'elles ont envoyées. Mais celles qu'il a envoyées, on en trouve quelques traces aussi, sont absolument du même ton et de la même tonalité. Une lettre de Legrain. Legrain est l'un de ses collaborateurs et collègues au Caire, qui est un égyptologue lui aussi, qui lui écrit le 5 octobre 1916, par exemple, « Dépêchez-vous de tomber les boches et revenez-nous ». Voilà le ton, qui n'est pas un ton exceptionnel, puisque, comme vous le savez, tous les intellectuels dans toute l'Europe, en Angleterre, en Allemagne, en France, ont aussi fait leur effort de guerre en se mettant aussi dans la propagande et dans le vocabulaire de la propagande de l'époque. Autre exemple, Vladimir Golenichev, un autre éminent égyptologue, écrit à Lacot en novembre 18, c'est-à-dire plusieurs années après la guerre, pratiquement à la fin de la guerre, « Pourvu que maintenant, à l'heure prochaine de l'expiation, les boches soient châtiées comme ils le méritent, ce serait maintenant ou jamais de nous débarrasser de ce poison. » Donc ce sont des savants qui parlent de leur expérience de la guerre, qui est une expérience brutale, violente, mais ce sont des savants qui n'oublient pas cette expérience et qui, après la guerre, comme vous allez le voir, portent en fait sur le terrain scientifique la suite du combat. Un autre exemple, qui nous remet en présence des acteurs dont on a déjà fait connaissance, le jeune Gustave Lefebvre, qui avait procédé au partage de la fouille d'Amarna, qui écrit à Lacot en 1915, au moment où Lacot, donc en octobre 1915, après avoir subi une blessure pendant la guerre, est sommé de retourner au Caire, alors que lui ne veut pas, il veut continuer à se battre, mais Lacot est sommé de retourner au Caire, et Lefebvre, en quelque sorte, pour le consoler, lui écrit cette carte. « Mon cher ami, j'ai appris que vous alliez quitter la France et rejoindre votre poste en Égypte. C'est aussi un poste de combat, et c'est une œuvre française que vous défendrez là-bas, après avoir fait votre large part de tranchées. » Défendre une œuvre française en Égypte, à cette époque-là, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, l'Égypte est partagée entre l'Angleterre et la France, mais c'est aussi un lieu où l'international des égyptologues mondiaux, c'est-à-dire des Américains, des Allemands, etc., ont travaillé ensemble. C'est un lieu qui, pour la science, est très international. Défendre une œuvre française là-bas, ça veut dire aussi, et c'est comme ça que va le comprendre Lacot en retournant au Caire, c'est aussi se battre, continuer à se battre, mais avec des armes scientifiques contre les Allemands qui, de toute façon, pendant la guerre, avaient dû quitter le Caire. Plusieurs années, plusieurs mois après la fin de la guerre, en avril 19, Lacot continue de dire clairement combien il déteste les Boches, combien il déteste les Allemands. Ici, un extrait d'une lettre qu'il écrit à un égyptologue danois qui essaye de le calmer, qui essaye de faire une œuvre conciliante, il essaye de dire qu'il faut recommencer à travailler ensemble. Et Lacot lui répond, de retravailler avec les Allemands, Lacot lui répond « Il m'est absolument impossible de penser à une collaboration quelconque avec un Allemand quelconque. Nous avons le devoir de nous souvenir, devoir pénible mais nécessaire. Il y a quelque chose qui dépasse de beaucoup toute science, c'est la morale. La science d'un assassin n'excuse pas son crime, elle le rend seulement plus odieux. » Vous voyez que donc, même après la guerre, même en ayant quitté les tranchées, même en étant retourné au Caire, la haine des Allemands qui est née pendant, qui a atteint un moment d'acmé pendant la Première Guerre mondiale, cette haine continue de nourrir les positionnements scientifiques. Entre-temps, Nefertiti, à Berlin, a continué d'être exposée. Elle est maintenant, la salle du musée a été entièrement transformée pour elle et pour l'art d'Amarna. En 1924, ouvre de nouvelles salles qui sont faites dans le sens de la nouvelle objectivité, des salles très claires, très lumineuses, qui doivent en quelque sorte montrer dans leur architecture le culte du soleil de Akhenaton. Donc une pièce très lumineuse. Et Nefertiti, vous la voyez là au centre de cette nouvelle mise en scène, et le centre, vraiment le centre de l'exposition. L'opinion internationale a pris connaissance de sa présence à Berlin. Il n'y a pas seulement les Berlinois qui savent qu'elle est là comme avant la guerre. Pendant la guerre, les musées étaient fermés, etc. Mais après la guerre, voilà, ça rouvre et elle est extrêmement célèbre. Ludwig Borchardt, l'archéologue, l'égyptologue qui l'avait découverte en 1912, depuis la fouille, donc cette dernière fouille que j'avais évoquée, n'a plus fait de fouille en Égypte, puisque pendant la Première Guerre mondiale, les égyptologues, les scientifiques, les ressortissants allemands avaient été expulsés du Caire, comme vous le savez, et c'est seulement longtemps après la guerre, en 1925, que la situation internationale étant en train de se normaliser et de s'apaiser, les Allemands osent reposer la question d'avoir une concession de fouilles en Égypte. Vous voyez ici donc Ludwig Borchardt assis à son bureau en train d'écrire, et j'aime imaginer qu'il est en train d'écrire cette demande qu'on trouve par ailleurs dans le dossier Tête de Nefertiti, ce dossier jaune que je vous ai montré tout à l'heure. Dans cette lettre, Ludwig Borchardt demande s'il pourrait réobtenir la concession de Tell el-Amarna, sur laquelle il avait travaillé pendant plusieurs années avant la guerre. Il le demande bien sûr au service des Antiquités d'Égypte, service des Antiquités d'Égypte qui est toujours français. Malgré l'autonomie de l'Égypte en 1922, le service des Antiquités reste aux mains des Français. Et c'est maintenant Pierre Lacot, qui a fait ses expériences à Verdun, qui va répondre à sa lettre, puisque Maspero, qui avait autorisé l'exportation de Nefertiti, entre-temps n'est plus. Le Caire, le 10 avril 1925, Borchardt écrit en français à Pierre Lacot: « Très honoré, monsieur le directeur général, je vous prie par la présente, au cas où l'autorisation de fouille accordée pour Tell el-Amarna ne serait pas renouvelée à l'Egypt Exploration Society, puisqu'entre-temps les Français avaient donné la concession aux Anglais, donc si, par hasard, les Anglais n'avaient pas un renouvellement de concession, je vous prie d'accorder cette autorisation de fouille avec l'extension qu'elle avait originairement à l'Institut allemand d'archéologie égyptienne, avec parfaite considération, votre très dévoué Borchardt. » Alors cette lettre, cette demande, est la première dans ce dossier. C'est elle qui ouvre le dossier Tête de Nefertiti de Lacot, qui avait pris donc ses fonctions à ce moment-là. Et là, on comprend très bien que Lacot va refuser cette demande. Et pour refuser à l'Allemagne le droit d'avoir une concession, il lui faut un argument. Et cet argument va être Nefertiti. Je vous montre donc la lettre complète. En fait, ce document est une réflexion de Lacot sur l'autorisation qui avait été donnée par son prédécesseur. Lacot se dit, mon prédécesseur a laissé partir Nefertiti, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, en quelque sorte? Et son idée, c'est d'empêcher, en tout cas, les Allemands, d'une manière ou d'une autre, de continuer à avoir des fouilles en Égypte. Donc, je vous lis simplement trois passages de cette longue lettre extrêmement intéressante. On voit le rappel du partage des fouilles, puis la conclusion qu'en tire Pierre Lacot. Donc, Monsieur Lefebvre, c'est-à-dire l'envoyé de Maspero, donc Monsieur Lefebvre n'a pas reconnu à cette pièce unique son importance réelle. Cela prouve seulement qu'un homme d'une valeur indiscutable et d'une conscience absolue peut malheureusement se tromper. Donc dans ce papier, en 1925, 10 années après la fouille, un peu plus de 10 ans après la fouille, Lacot dit « Mes prédécesseurs se sont trompés. Ils ont laissé partir Nefertiti, mais ils se sont trompés. Donc, dit-il, l'erreur est nôtre. C'est nous qui avons fait cette erreur. Monsieur Lefebvre nous représentait. Sa signature nous engage pleinement. J'estime que nous sommes légalement désarmés. » Légalement, Nefertiti est parti et c'était juste. On note l'usage de la métaphore des armes, on est désarmé. Donc tout ça, on est toujours dans cette logique de guerre, et on le voit d'ailleurs dans la phrase d'après, tout de suite. Donc nous sommes légalement désarmés, mais moralement, nous sommes armés, et très sérieusement. En effet, admettrons-nous que le titulaire de la concession avait moralement le droit de profiter contre nous de notre erreur ? Certainement non. Donc à partir de maintenant, s'engage toute une discussion chez Lacau, et alors ce dossier est vraiment intéressant parce qu'on voit les hésitations de Lacau lui-même, qui dit « bon, c'est un peu gonflé mon argument », il se le dit à lui-même et dit « on va obliger les Allemands à reconnaître que nous nous sommes trompés, mais qu'ils auraient dû nous prévenir qu'on se trompait, qu'ils n'avaient pas à partir avec ça, et que tant qu'ils n'auront pas restitué Nefertiti, ils n'auront plus le droit de fouille ». C'est ce qui s'appelle un chantage. Un chantage extrêmement efficace, puisqu'à partir de ce moment-là, évidemment l'Allemagne, qui a obtenu légalement Nefertiti, n'a aucune envie et aucune raison de la restituer, en tout cas dans un premier temps, et Lacau répond systématiquement « tant qu'on n'a pas Nefertiti, vous n'aurez pas le droit de fouille ». Ni d'ailleurs le droit de mettre un tuyau dans le jardin de l'Institut allemand d'Égypte, etc. À chaque fois qu'une demande arrive dans ce dossier, la réponse est « rendez-nous d'abord Nefertiti, après on verra ». Alors tout ça dure pendant plusieurs années. Vous voyez ici une grande quantité de notes confidentielles dans ce dossier, notes sur l'affaire de la tête de Nefertiti, etc. Avec, au moment où Ludwig Borchardt, l'archéologue, quitte le Caire, au moment où il est remplacé par un autre à la tête de l'Institut allemand, Deutsches Archäologisches Institut archéologique, il est remplacé par un Autrichien, ce qui détend beaucoup Lacau, puisque les Autrichiens, ce n'est pas pareil que les Prussiens. Donc, voilà, les choses s'arrangent un peu et on arrive à l'idée d'un échange. L'échange serait que Berlin rendrait Nefertiti au Caire et le Caire, en échange, donnerait cette statue de Ranofir, un prêtre égyptien. Cette idée d'échange est proposée par Lacau, donc par la France, qui a toujours les antiquités d'Égypte entre les mains, et est progressivement acceptée par les musées de Berlin, et notamment parce qu'à cette époque-là, donc là on est en 29, on est déjà à la fin des années 20, le ministre de la Culture, enfin des cultes et de la culture, est Karl Heinrich Becker, qui est un très célèbre orientaliste, quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'Orient, qui a d'ailleurs fondé une revue en 1914, qui s'appelle Der Islam, l'Islam, et cet homme argumente, en tant que ministre de la Culture, l'Islam est notre avenir, il faut qu'on ait de bonnes relations avec le monde arabe, et pour avoir de bonnes relations avec le monde arabe, restituons Nefertiti, en quelque sorte. Il pousse et il porte ce projet. Le roi Fouad vient plusieurs fois à Berlin. Dans les coulisses, on parle beaucoup de cette possible restitution. On en parle beaucoup aussi dans la presse. Vous voyez qu'elle fait l'objet de caricatures. Vous voyez ici donc Nefertiti portée dans les mains d'un âne. Cet âne étant, dans l'esprit de la caricature, le brave Allemand, bien droit, bien grand, qui va bêtement restituer Nefertiti à un petit gros roi Fouad d'Égypte, qui en échange avec un sourire de marchand de tapis, en quelque sorte, lui propose cet affreux Ranofir qui fait un sourire en coin et en se disant « Ah, on est en train de les avoir, en quelque sorte ». Donc, ça s'intitule « L'échange » ou bien « L'accord d'échange égyptien » et la presse allemande reproche aux autorités allemandes d'être stupides et de rendre quelque chose alors qu'en fait, il n'y aurait aucune raison de le rendre. Ça, c'est la version amusante, la version caricature. En revanche, il y a une version dans la presse, vous voyez, on est en avril 1930, une version beaucoup plus offensive, beaucoup plus agressive, beaucoup plus plaintive, dans cet article, par exemple, intitulé « Ce qu'on va nous donner en échange de Nefertiti, point d'exclamation », des photos très mal faites de ce Ranofir, et on comprend bien que d'un côté dans la presse et puis dans l'imaginaire berlinois depuis des décennies, Nefertiti, c'est l'incarnation de la beauté, et en plus c'est une femme, c'est la Mona Lisa, c'est la Joconde des musées de Berlin, et en échange on veut leur donner ce type en pagne. Voilà. Donc il y a une montée en puissance de l'opinion négative à l'égard de ce projet, et dans les années 30, comme vous le savez, les extrémismes en Allemagne sont aussi en train de se mettre en place, le parti national-socialiste monte de plus en plus, et le successeur du ministre Becker, Adolf Grimme, qui est un social-démocrate, un socialiste, Voyant l'opinion publique étant si agressive à l'égard de ce projet, et étant donné que la situation intérieure est explosive, malgré son humanisme, dit « c'est vraiment pas le bon moment de restituer Nefertiti, si on fait ça, on va avoir des soucis avec tous les nationalistes, laissons les choses s'endormir, on n'en parle plus », il bloque le projet. Alors que les choses étaient presque signées, ce social-démocrate, cet homme de gauche, bloque le projet qui est ramené sur le tapis 3 ans plus tard par le ministère des Affaires étrangères, qui a continué de proposer cet échange. Et l'échange va se faire en octobre 1933. Il est sur le point de se faire. On a choisi la date qui doit être le 9 octobre 1933. C'est l'anniversaire de la prise de pouvoir du roi Fouad. Le ministère des Affaires étrangères allemand veut faire un acte symbolique. Et c'est finalement Hitler qui a beaucoup instrumentalisé les musées pendant le Troisième Reich. C'est Hitler qui, au dernier moment, dit non, on ne la rend pas. Tout ça pour dire que sur les questions de restitution, oui ou non, les partis politiques, souvent, ne sont pas... On ne peut pas tirer une loi générale. On ne peut pas dire ceux de droite sont pour les restitutions, ceux de gauche sont contre les restitutions, etc. C'est souvent beaucoup plus compliqué. Souvent, ces questions de restitution, quand elles sont demandées ou quand elles sont accordées, sont liées à des questions de politique intérieure très fortes qu'il faut bien connaître pour comprendre les réactions des uns et des autres. Je finis en reposant la question du début. À qui appartient la beauté? Est-ce qu'elle appartient, dans ces cas-là, aux Berlinois ou plus généralement aux Allemands qui se sont tellement identifiés dès les années 1913-1914 à Nefertiti et à l'art d'Amarna? Et je vous montre en fait comme exemple de cette identification une jeune étudiante des années 30 déguisée en Nefertiti pour un bal costumé dans une photo historique de Binder. Est-ce que donc Nefertiti appartient aux Berlinois, ou est-ce qu'elle appartient aux enfants et aux descendants des enfants avec leurs paniers qui ont transporté le sable d'Égypte pour la dégager et qui, à la sueur de leur front en quelque sorte, ont participé sans le vouloir à la dépossession de leur patrimoine? Il n'y a sans doute pas de réponse oui ou non, elle appartient aux uns ou aux autres. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'affaire Nefertiti est et demeure une conséquence collatérale du vieil antagonisme franco-allemand, que l'Allemagne, comme la France, et dans de nombreux cas aussi la Grande-Bretagne et les États-Unis, portent une responsabilité historique commune vis-à-vis de l'État égyptien, que si on réduit le débat actuel à un simple antagonisme entre l'Allemagne et l'Égypte, on ne comprend rien à cette histoire, et ce n'est pas comme ça qu'on peut faire avancer la question. L'affaire Nefertiti est, à mon sens, un paradigme qui éclaire l'urgence de discuter ouvertement, au niveau de l'Europe ou au niveau mondial, de la façon dont nos musées occidentaux gèrent les trésors qui ont rejoint, même très légalement, leurs collections au XIXe et au début du XXe siècle. Elle montre aussi, cette histoire de Nefertiti, combien il est important, me semble-t-il, de donner au public, au grand public, au public des musées, la connaissance des provenances des œuvres qu'ils voient et qu'ils aient aussi, en ayant connaissance de cette provenance, la conscience de ce qui s'est passé là où ces œuvres ne sont plus. Collège de France, vous venez d'écouter le 26 avril 2017 le cours de Bénédicte Savoie, À qui appartient la beauté, aujourd'hui du Caire à Berlin, le buste de Nefertiti. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Bénédicte Savoie. Sa leçon inaugurale vient d'être publiée chez Fayard sous le titre Objet du désir, désir d'objet. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration du déracinement des œuvres d'art en compagnie de Bénédicte Savoie. Nous nous pencherons sur le cas de l'hôtel de Pergame. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.